Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdouan. Bonsoir et bienvenue dans Regard d'ailleurs, l'émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora. C'est désormais votre rendez-vous incontournable du troisième samedi du mois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, écouter, télécharger, partager et commenter sur les réseaux sociaux. Nous en sommes très fiers et nous vous remercions. Regard d'ailleurs, ses actus, Regard d'ailleurs, ses invités, Regard d'ailleurs, ses chroniqueurs incisifs. Ce soir, Bassoulay interpelle nos invités. Et voici le sommaire de Rimactu. L'arrestation de Biram Da Abed lors d'une marche à Rosso. Nous joindrons M. Mohamed Baba, l'un des représentants d'IRA en France, pour faire le point. Il est professeur d'université. Adina Rimtik organise le Mori App Challenge. Abdoulaye Sy nous rejoint dans un instant pour parler de ce concours de création d'applications. Enfin, le jeune Mauritanien photographe consacre une exposition photo aux anciens combattants à l'Institut français de Mauritanie. Et ça fait un tabac. Nous développerons ces titres avec Seta Camara après ce sommaire. Nos invités, d'abord le docteur Ould Mohamed Baba. Vous le savez, dans une semaine, la Mauritanie fête sa 54e année d'indépendance, l'occasion d'évoquer avec lui les acquis, mais aussi les défis historiques et actuels de la Mauritanie. Notre second invité, Abou Sarr, membre du comité INAL, qui lutte pour le rétablissement des droits des victimes des régimes Ould Taïa. Nous passerons également un coup de fil à Roi Hems, ce rappeur mauritanien qui vit en Allemagne et qui sortira un album intitulé Golle Bourihal le 6 décembre en France. Vous découvrirez en exclusivité son single Yobekal. L'actu des réseaux sociaux en fin d'émission, ça clique, ça like, ça tweet en Mauritanie aussi. Amadou Kane nous rejoint et nous parlera notamment de l'affaire Sagnol devenue l'affaire Absatoussi. Vous savez tout pour le sommaire. Vous pouvez d'ores et déjà réagir sur la page Facebook de l'émission. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com avec le hashtag RA. Tout de suite, place à l'Acturim. C'est à Camara. C'est à bonsoir. C'était Rimactu avec C'est à Camara. C'est à bientôt. Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, nous invitons le docteur Hamedi Ould Mohamed Salem pour parler des défis mais aussi des acquis de la Mauritanie depuis son indépendance. Notre second invité, Abou Sarr, membre du comité INAL. Nous parlerons avec lui des commémorations à INAL à l'occasion du 28 novembre où des officiers furent exécutés. Pour les accueillir, je vous propose 1989 de Jamintiki. Qu'on puisse récupérer nos corps, ben pour un américain, jamais high or, ça vous c'est nos corps, min brava, min brava, min brava, y'a dit debé, ça vous kebe djinabe, ben va une rino, quoi y'a des missions, don la mouritain, y'a des faits à leur mission, de min pini, min j'y peux ben un baki fait à l'agi, ben un joki d'un CG, n'en aime pas les ben du pas, de pour y durer du seca, bingel y'a l'tina juda. What the doom be when the fuck up one day? Then me could know when the sukabe. When the chill yet you die, get the one day. One time I'm in Kuidi. Natata kukitilia kori. Then hand them the bean and baile. Epa moment bara. Best moment send out. Don't do the hefta. Kopaji ben min kwayata. Kopaji ben min kwayata. Justice. Send a word in the yadi. Justice. Nande kodu minani. Justice. Jetete jene wulino helbe kulino the pin minji mi kobe nata galage the nam do simi mofta ni senegalage don't put in the fight and gandi milenyo lam jogeri maide sipuko ser di jolfa e hal plar dum kam webani they dem by with the sagoji mabebe kebani dem badiri no bem belda dem bardi men dem belda rewbe men nanga lelda tukino ak shota futa mayo hay gor susa tella de kala ni be telli tar ko be nangi be pelli dem bi ke yen mun tenni min muñani tanani waya min kono hanki nyane en jambare be chanki hakune gai nako ejom ngesa konani hechapato bembari baba bembari afo benjidi enjapo. Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, vous découvrirez en exclusivité le son Yobekal de Roi Hems, extrait de son album Golle Burihal, disponible le 6 décembre 2014 en France. Mais à l'instant, nous accueillons nos invités Abou Sarr et Hmeidi Oul Mohamed Salem. Hmeidi Oul Mohamed Salem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien cardiaque et vous êtes mauritanien qui vit en France et on vous a invité pour vous exprimer par rapport à la fête de l'indépendance qui sera là, qu'on va fêter dans une semaine. C'est la 54e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie. Bonsoir, docteur. Abou Sarr, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes informaticien de votre état, mais aussi vous faites partie du comité INAL qui célèbre depuis quelques années déjà un voyage à INAL pour se recueillir sur les militaires qui ont été tués sur place. Bonsoir Abou Sarr. Bonsoir. Bienvenue dans Regard d'ailleurs, monsieur. On a dit que la Mauritanie fêtait son 54e anniversaire d'indépendance le 28 novembre prochain. Mm-hmm. Que représente pour vous cette indépendance, docteur Hmeidi Oul Mohamed Salem? Bonsoir. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je me réjouis d'être parmi vous invités. Et comme vous avez bien souligné, l'anniversaire ou la fête de l'anniversaire de l'indépendance, ça représente pour tout Mauritanien et toute Mauritanienne une grande fête, un grand jour, qui renvoie la mémoire collective à une période de notre histoire qui a été marquée par l'élite. L'élite qu'a fait nos grands-pères, nos grandes-mères, nos citoyens à l'époque pour qu'on vit actuellement dans un État libre, dans un État indépendant. Donc c'est grâce à ces hommes et à ces femmes qui ont sacrifié leur vie pour que nous vivons notre liberté, notre indépendance aujourd'hui. Merci. Je me tourne vers Abou Sarr. J'allais vous reposer aussi la même question. Que représente pour vous le 28 novembre? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce débat. Avant d'abord de répondre à votre question, je vais rendre hommage aux martyrs dans un petit poème en poulard. Votre plaisir. On vous écoute. Ndjeti jomira do jom tagore en djule djedo sababu tagore hande mi hala hayso ina bona berndam mi dejjata hayso gondina burta darndam nogase jerati novembre holko mawnin ma kala hitande sabu on nyande nogase jerati novembre hitande ujinere temedde jenay e chapande jenay ngontanda min hitande sa woni no nyalawmo jeytari leedam hande ka nyalawmo ustare lenyolom ko e lamu ndol ndolagu ko e laamu leñam leñamaagu sagaraabe nafoobe andaabe rimbe leñolam jagga e kala jokliɓe cogga ɓe ɓortaaɓe ɓolna e urhooji buumaaɗi ɓe jolna e dumbirɗi luɓɓe ndigge ɓe mbedda ɗo allah hulaaka saka wooda ko hedda. Merci pour ce poème. Les poularophones apprécieront. Un peu intraduisible pour moi. je pense bien parler cette langue. Mais je vous repose quand même ma question, Abou Sarr. Que représente pour vous le 28 novembre? Je vous repose quand même ma question, Monsieur Sarr. Que représente pour vous le 28 novembre? Oui, je disais que le 28 novembre, comme l'a dit le docteur, c'est-à-dire que le 28 novembre, c'est une date pour tout qui concerne tous les Mauritaniens, parce que c'est l'accession à l'indépendance. Mais sauf que il y a eu un problème en 1990, vous savez que la Mauritanie a connu des événements atroces qui fait que en 1990 des officiers et sous-officiers et soldats ont été arrêtés dans toutes les casernes militaires à INAL, plus précisément la veille du 28 novembre 1990. 28 officiers et soldats et sous-officiers ont été pendus pour la célébration du 35e anniversaire de l'indépendance. Donc depuis cette date, le 28 novembre est commémoré par des victimes de cette barbarie, du système, dans le deuil et le recueillement à la mémoire des martyrs. dans le deuil et le recueillement, mais comment dire, cet événement est-il aussi fort pour masquer, pour calmer, pour, comment dire, pour masquer ou bien pour faire oublier un tout petit peu le 28 novembre qui était avant cette date, bien sûr, une fête du recouvrement de la liberté pour tout Mauritanien? Oui, enfin, pour ceux qui, je ne suis pas contre ceux qui ne sont pas concernés, parce qu'en fait, quand je dis ceux qui ne sont pas concernés, il y a des gens qui peuvent aller fêter enfin, célébrer l'indépendance, l'indépendance, l'anniversaire, le 54e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie. Sauf, je dis que la communauté négro-mauritanienne, elle aujourd'hui, elle ne peut pas se sentir, je dis bien, elle ne peut pas se sentir concernée par la célébration du 28 novembre. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle va le célébrer, mais autrement. C'est dans le deuil. C'est dans le deuil. Je me retourne un peu vers docteur Hamed Aoun Mohamed Salem. La Mauritanie existe quand même depuis plus d'un demi-siècle. C'est la 54e anniversaire. Bassolé est là. Est-ce que, à votre avis, les dirigeants mauritaniens ont quand même réussi à construire une nation forte de ces institutions démocratiques où tout Mauritanien peut se sentir appartenir à cette nation? D'abord, il faut se rappeler du contexte là où on était, c'est-à-dire le point de départ. C'était lequel? Et il faut dire qu'avant 1960, c'est-à-dire la période du colonialisation De la de France. la France, malheureusement, on était parmi le pays le colonisé de la France, le moins qui a profité de cette colonisation. C'est-à-dire qu'en 1960, pratiquement, on n'a rien hérité, si on peut dire, sur le plan construction, sur le plan infrastructure, sur le plan même, et c'est ça qui est le plus important, c'est le plan de la gestion administrative, du concept du citoyen, du concept de l'État. Donc, en fait, on n'a pas bien profité, je peux dire, entre parenthèses, on n'a pas bien profité de cette période de colonisation par rapport, par exemple, à nos amis, nos frères maliens, nos frères sénégalais, ou bien les Marocains et les Algériens. Parce que là, au jour de l'indépendance, il y avait un système administratif, il y avait déjà une structure de l'État, il y avait déjà un concept de citoyen qui sait ses droits et qui sait aussi ses devoirs. Donc nous, cette conjoncture a fait qu'on commence de zéro. Donc nous dirigeants de le départ, ils ont bien compris que l'enjeu, il est énorme, puisque construire un État en 1960, alors qu'on n'avait rien du tout, on était des gens nomades, un peu éparpillés dans une zone géographique très très vaste, Très immense, oui. très immense, et puis d'un coup, on veut construire un État, c'est-à-dire digne du nom. Donc, ce qui me ramène à vous dire que l'enjeu, il était énorme. Et les défis, ils étaient aussi énormes par rapport à ça, par rapport à cette ambition. Citez-nous-en quelques-uns des Voilà. défis. Donc, je pense que depuis 1960, jusqu'à maintenant, c'est 4 ans, dans l'âge des nations et dans l'âge des États, ce n'est rien du tout. Quand on voit l'histoire, quand on voit un petit peu comment ça évolue, le concept de l'État, et c'est-à-dire le sens de l'État lui-même, donc ce n'est rien du tout. Ça ne représente pas vraiment grand-chose. Mais néanmoins, il faut quand même pas nier, il faut dire que beaucoup de choses ont été faites depuis 1900, depuis notre indépendance. Par exemple. Y a plusieurs domaines. Je peux citer quand même que, c'est-à-dire la conscience collective de l'État, elle a évolué. Il est À parti d'où? partir, elle est partie d'un moment où les tribus, dans toutes les couches, dans toutes les couches mauritaniennes, qu'elles soient de polar ou de mort, ou Les de. polars ne sont pas Voilà. organisés d'une façon tribale, je rappelle. Voilà, mais c'est-à-dire, moi je parle de Mauritaniens, négro-africains, Oui. de négro-africains ou de morts, c'est-à-dire, quand au début, au lendemain de l'indépendance, il y avait un problème énorme pour les convaincre que l'État peut substituer, c'est que la tribu ou la structure qui existait auparavant peut donner à ses membres. Et là, c'était un défi. Aujourd'hui, actuellement, au moins, on peut dire que à ce niveau-là, quand même, il y a une structure maintenant étatique, même s'il y a beaucoup de défauts à faire, beaucoup de choses à faire, mais quand même, ça reste quand même maintenant le citoyen mauritanien, il sait qu'il y a un État, il y a des droits, qu'il peut les réclamer, qu'il y a des devoirs aussi envers cet État. Donc, je pense qu'il y a une évolution. Je ne peux pas dire qu'on a tout ce qu'il faut, mais quand même, pour ne citer que ce... Que cet exemple de conscience collective. De conscience collective et puis d'une conscience de l'État, de citoyen. De tout à fait, de citoyenneté. Je me tourne vers vous, monsieur Aboussar. Concept de citoyen, concept d'une conscience collective nationale. Est-ce que vous pensez que la Mauritanie, aujourd'hui, après 54 ans d'indépendance, est riche de ses institutions démocratiques ? Riche de ses institutions démocratiques Moi, en tant que membre du comité INAL, je pense que non. Je pense que non pour une raison très simple. Parce que tout simplement, c'est-à-dire, il y a aujourd'hui une communauté qui se sent marginalisée, qui ne se sent pas mauritanien. Complètement. Complètement. Qui ne se retrouve pas dans les institutions. Parce que aujourd'hui, il faut le dire, il faut le dire très radicalement. Vous avez le micro, oui. il faut le dire très radicalement parce qu'en fait, quand on regarde l'historique depuis les années de Braise jusqu'à aujourd'hui, on constate qu'il y a une communauté aujourd'hui, la communauté noire. Aujourd'hui, elle ne peut pas elle ne se sent pas identifiée en tant que mauritanienne. Pourquoi ? Pour des raisons très simples. Déjà, il faut se référer de ce qui s'est passé au niveau de la Mauritanie. Quand il y a la déportation, quand il y a expropriation des terres, quand il y a un recensement qui a tendance à exclure toute une communauté, comment voulez-vous que cette communauté se retrouve dans les institutions de l'État? De quoi êtes-vous fier de la Mauritanie aujourd'hui, Aboussar? Je suis fier d'être mauritanien. Fier d'être mauritanien et fier de la Mauritanie. Sauf qu'à un certain moment donné, il y a une page noire de l'histoire de la Mauritanie. Pourquoi? Parce que quand l'État prend ses propres fils et les exécute pour célébrer l'anniversaire de son indépendance, je pense qu'il y a quoi se dire. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, en tant que Mauritanien, négro-mauritanien, et en tant qu'ex-sous-officier de l'armée mauritanienne, je dis qu'il y a une communauté. Et aujourd'hui, la communauté négro-mauritanienne, elle est exclue de la Mauritanie. Je me tourne vers le docteur Hamid Al-Mohamed. J'ai déjà rencontré personnellement un jeune qui me disait ne pas avoir de raison d'être fier de la Mauritanie. Vous qui êtes, médecin, qui avez exercé éventuellement en Mauritanie, qui y vivez, de quoi peut-on être fier de la Mauritanie après 54 ans d'indépendance quand on est jeune, qu'on a 20 ans, qu'on vit éventuellement à Nouakchott-Ouadibou, ou bien qu'on vit complètement au fond de la Mauritanie plutôt? Beaucoup de choses. D'abord, il faut dire que la fierté elle-même, par rapport à un territoire, c'est une relation intime. D'appartenance qui n'a rien à voir avec la manière de se comporter entre les occupants de cette terre. Mm-hmm. C'est-à-dire, même si à un moment donné, on se sent lésé entre nous, en tant que négro-africain, ou en tant que mort, ou en tant que je ne sais pas quoi, ou soniqué, ou autre chose, mais notre appartenance, ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose à discuter. Donc, on est fiers d'être mauritanien, d'avoir cette histoire de la Mauritanie, d'avoir cette terre, d'avoir ces traditions. Puisque ce qu'oublie beaucoup de monde, malheureusement, et ça rebondit un peu sur le contexte actuel, d'actualité maintenant, c'est que malheureusement, les gens, tellement on est pressé pour analyser pourquoi on a des maux, pourquoi on a des difficultés par rapport à une organisation, par rapport à l'État. Je parle de l'organisation de l'État, de ce qu'elle donne l'État à ses citoyens. Et on est pressé à analyser ça tout en oubliant que ce qui nous réunit, ce qui nous réunit entre nous en tant que Mauritaniens, quelle que soit notre couleur, c'est beaucoup plus C'est important. quoi cette chose qui nous réunit, les Juifs mauritaniens? Ben, beaucoup. D'abord, il y a la religion. On a l'avantage d'abord de se retrouver dans un endroit avec multiples avec de couleurs différentes, mais avec une appartenance religieuse unique. Ça, c'est déjà un avantage. C'est de un. De deux, ce qui nous réunit, c'est que si tu vois, sur le plan sociologique, les traditions, si tu pars chez un Polar, ou tu pars chez un Soninké, ou tu pars chez un Maure, les traditions de comment on s'allie, comment la sympathie entre nous, comment on traite le voisinage, comment on fait nos mariages, comment on fait la musique, comment on fait tout ça. C'est ça le patrimoine culturel qui est là, qui est existant, malgré, elle veille ou non, les gens qui nous gouvernent, quoi qu'il Ce arrive. patrimoine culturel, il est là, je suis d'accord avec vous, mais sauf Mais que les conflits ça aussi sont nourrit. là. Mais justement, mais le conflit ne sont rien à voir avec nos comportements, nous. Et puis moi, je n'utilise pas le mot conflit, moi j'utilise le mot difficulté. Pourquoi C'est-à-dire, difficulté et non conflit? voilà, pourquoi? Puisque le conflit, ça nous renvoie un peu à pas une symbiose, ça nous renvoie à, comment on appelle, à deux choses avec un sens, dans deux sens. Alors que Antagoniste opposé? voilà, antagoniste opposé, alors que ce n'est pas le cas. Puisque ce qui est sûr, moi je pense, en tant qu'intellectuel, en tant que Mauritanien, Oui, que... qui a vécu à Nouakchott, qui a côtoyé pas mal c'est-à-dire qui a côtoyé pratiquement, j'ai côtoyé pratiquement toute la société mauritanienne, je pense que ce qui nous réunit, c'est plus important. C'est vrai, il y a deux, au cours, tout au long du processus de la construction de l'État depuis 1960 jusqu'à maintenant, au cours de ce processus, il y a des gens qui ont été marginalisés, il y a la marginalisation qui a touché peut-être nos frères négro-africains dans des circonstances particulières comme les circonstances qu'il a bien soulignées, ou bien avant 1989, ou bien avant même ça, nos compatriotes aussi, disons, négro-africains, ce qu'on appelle les haratines. Mais aussi, il y a deux morts qui ont été marginalisés dans des contextes particuliers. Donc, en fait, pour vous dire que l'objectif, c'est de faire répondre à ces réclamations, ces proclamations, à se répondre à ce besoin et de discuter convenablement en tant que frère. Puisque c'est ça, quand je discute avec vous, si on base les débats, on base la discussion sur une attente déjà préalable qu'on est tous de Mauritaniens, sur le plan législation, même si on ne pratique pas ça à 100%, sur le plan législation, donc on a les mêmes droits, on a les mêmes devoirs, mais tu me dis, tu me réponds, mais il y a des difficultés, il y a des gens qui sont marginalisés. Moi, je vous réponds, je suis tout à fait d'accord, il y a des gens qui sont marginalisés, qu'on les trouve partout. Peut-être pour un moment donné, on les trouve beaucoup plus importants chez une couche par rapport à l'autre, mais c'est à ce moment-là qu'on discute ensemble, on réfléchit ensemble, on réclame que ces gens-là aient leurs droits. Vous parlez de marginalisation, on va parler tout de suite des questions un peu économiques. Basile, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Avant tout, je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à ce qui construit en quelque sorte la conscience collective des nations et de ses citoyens. La nation ou l'État est toujours construit en fonction des symboles. Mais le problème, c'est qu'en Mauritanie, si on regarde un peu la trajectoire historique, vous ne pensez pas que les symboles même n'existent pas? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des symboles qui font qu'on a une conscience collective? C'est-à-dire qu'on a la terre, la nation et ses frontières. On a la constitution, on a notre drapeau national, mais dans l'histoire même qui est étudiée, qui est enseignée à l'école, on trouve toujours une certaine personnification de l'État. Donc vous venez de dire tout de suite que les hommes qui ont construit la Mauritanie, ils ont expliqué aux individus qu'à un moment donné, l'État peut représenter en quelque sorte les tribus, que ce soit le tribu et aussi substitué. Mais est-ce qu'à un moment donné, cette personnification-là n'a pas profité à une partie de la Mauritanie ou à un peuple de la Mauritanie aux dépens des autres, ce qui, en quelque sorte, crée les clivages qui existent depuis 1960. Il y a une chose qui existe. Lorsque Mokhtar Dada il prononçait, il proclamait l'indépendance de la Mauritanie, on voyait qu'autour de lui, toute la nation était représentée. C'était le beau jour de la Mauritanie, on peut parler ainsi. Il y a eu un moment en Mauritanie des beaux jours de la Mauritanie. Mais à un moment donné, le machiavélisme et l'opportunisme ont gagné les consciences et finalement, tout a été saboté. Et finalement, il n'y a plus de symbole. Moi, j'ai étudié dans une école républicaine. Normalement, elle devait être républicaine, mais je ne me sentais pas. Je ne me sentais pas plus ou moins représenté parce que qu'est-ce que j'entendais? J'entendais que la Mauritanie a eu son indépendance en 1960. Très bien. J'entendais qu'avant, la Mauritanie avait sa capitale à Saint-Louis. Les gens se sont battus. Et ici, on doit leur rendre hommage, ils se sont battus. Mais le problème, c'est que ce qui est divulgué dans les livres historiques et ce que nos professeurs, nos enseignants nous enseignaient, on voyait que l'histoire mort de la Mauritanie, ce qui, je vous dis, ce qui crée en quelque sorte les clivages. Et d'où ce qui fait qu'il n'y a pas de symbole étatique. Aujourd'hui, il n'y a pas de symbole. Tout ce qu'on a, c'est la terre, la constitution et les drapeaux. Mais les symboles de l'État qui font que, par exemple, le Sénégalais a quelque chose qui représente le Sénégal, le Mauritanien, le problème, c'est qu'il n'a pas. Je ne fais pas la comparaison. Je ne fais pas la comparaison entre Mauritanie et Sénégal, mais les institutions, par exemple. Lorsqu'on a eu nos indépendances, on devait hériter des institutions, on ne l'a pas hérité. La seule institution, à mon avis, et si je me trompe, vous me corrigez, qu'on a hérité, c'est l'ami Ferma, qui deviendra Sénim. Donc, poumon de l'économie mauritanienne. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en a fait? Dilapidation pendant toutes ces décennies, et le peuple continue à croupir dans la pauvreté. Mais comment on peut, en quelque sorte, rétablir les symboles pour que nous soyons frères mauritaniens et non ennemis mauritaniens? Moi, franchement, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de symboles communs. Moi, je vous donne une image que j'ai vécue, ou je sais pas, vous l'avez vécue, vous aussi. Je me rappelle que dans les tabastas, la grande fête, mm-hmm. on était, ça dure le matin, à la prière, on s'est retrouvés. Toute la communauté, c'est-à-dire, puisque j'avais des amis quand même d'autres communautés, et on s'est retrouvés en famille, c'est-à-dire le père, il ramène ses enfants, et on était habillés avec le tricla, le dara'ala, le boubou, chacun avec sa façon de tric, puisque chez vous, il y avait le dara'ala, un peu, voilà, et puis les grag, et puis quand on a fait la prière, juste après, il y avait une petite, comment on appelle ça, un espace oui. entre les maisons. Et là, on s'est retrouvés pour égorger nos moutons. Et là, quand je regarde, c'est vrai que c'est une image que j'ai gardée quand même, mais ça m'a vraiment fait plaisir et ça me fait toujours réjouir. Oui, oui. Puisque je vois de mon côté quelqu'un de Kaïdi, quelqu'un de Walata, quelqu'un de Nema, moi je suis de Rosso ou de Wadenaga. Et avec toute la communauté, il y avait de Haradine, il y avait de Mor, et il y avait des moments de retrouvailles. De symbiose, oui. Voilà, une symbiose extraordinaire, une symbiose en fait, qui reflète que c'est ça qui fait le symbole qu'est-ce de l'État. Qu'est-ce qui se passait exactement pour que nos auditeurs puissent comprendre dans ce lieu? Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Vous égorgez les moutons, c'est quoi? Non, c'était une fête. En fait, ça c'est pour vous dire que je vous racontais un peu. C'était par rapport à une fête religieuse, disons, le grand Eid, l'Eid le Tébasta, l'Eid le Kibir. Mais pour vous dire qu'en fait, la société, comme je disais tout à l'heure, ce qui réunit entre nous, ce qui nous réunit, plus que ce qui nous diverge. Oui, moi je dis. D'accord. Moi je dis. Donc, juste pour vous répondre, puis pour ce qui est des symboles, voilà, d'abord, il faut que différencier le rôle de l'État en tant que organisateur et en tant qu'arbitre, parce que c'est ça le concept moderne de l'État. Oui. Parce qu'à un moment donné, avec le secteur associatif et tout ça, l'État, elle délègue maintenant, quand on voit ici en France ou en Europe, oui, tellement de prestations, ce n'est plus l'État. Mais nous, on n'est pas encore à ce stade. Mais quand même, il faut différencier ce que l'État doit faire comme organisateur, comme quelqu'un qui, comme arbitre, comme organisateur de la vie de Mauritanie et des citoyens, et c'est que le peuple lui-même doit faire. Parce qu'à un moment donné, il ne suffit pas, c'est vrai qu'on demande que l'État elle donne, qu'elle met en place des institutions qu'il faut, qu'elle mette aussi à broche les lois qu'il faut pour préserver le droit, et les gens, à un moment donné, qu'on voit qu'ils sont là, ils se sentent qu'ils sont marginalisés, on met aussi les dispositifs qu'il faut pour les accompagner, comme ça a été fait par rapport à nos confrères haratins, surtout dans le Douaba, pour des raisons économiques, pour un peu leur permettre de dépasser ce contexte de marginalisation. Donc l'État, à ce moment-là, elle met en place ce procédure, ce moyen. Mais aussi, il y a le rôle du citoyen lui-même, de la société elle-même. C'est-à-dire, quand on parle de symbole, à un moment donné, c'est le peuple, c'est la société elle-même, par ses efforts, par ses luttes, qui fait, qui crée les symboles collectifs et les symboles communs. Oui, les symboles. Tout à fait. Il existe, par exemple, moi, si je regarde aujourd'hui la télévision mauritanienne qui est en train de célébrer en pompe le 54e anniversaire de notre indépendance, qu'est-ce que je vois? Je vois des historiens qui passent, qui disent ce qui s'est passé en Mauritanie, qui disent ceux qui ont résisté pour avoir l'indépendance de la Mauritanie. Et nous, on l'a étudié. Moi, je parle de ma génération. Peut-être votre génération, c'était pas pareil. Effectivement, il y a pas si éloigné que ça. Oui. Voilà, on n'est pas très. Oui, oui. Par exemple, si on lit le livre de Simon Amadou qui a écrit L'Enfer d'Inal, il dit dans un passage que avant le 28 novembre 1991, il y avait en quelque sorte un certain regroupement, une certaine symbiose qui fait que tout le monde se regroupait et tout le monde courait dans les rues de Nouakchott pour voir les parachutistes, pour voir les militaires qui marchaient sur la capitale. Et c'était beau. Moi aussi, à un moment donné, j'ai vécu ça. Mais est-ce que ça reste ancré dans l'esprit du citoyen? C'est ça la question. Ce n'est pas pour polémiquer, c'est juste pour... Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. Comme vous venez de dire que la Mauritanie est partie de rien, pourquoi tous les dirigeants, à commencer par le Mokhtar ou Dada, le feu Mokhtar Dada, il n'a pas pu construire des symboles forts qui ne soient pas la personnification de l'État? C'est ça le problème. À un moment donné, on a personnifié l'État mauritanien qui est devenu ce qui est devenu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que M. Sarr pense des symboles de l'État. Est-ce qu'il en existe de votre génération? Vous avez quelque chose qui symbolisait le 28 novembre ou qui symbolisait l'État mauritanien? Oui, en fait, c'est-à-dire, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire, oui, le 28 novembre, enfin, ça représentait, comme l'a dit, comment dirais-je, si Mohamedou dans son livre. Moi, personnellement... C'est Mohamedou qui est le président du comité du pénal, du comité, je le rappelle. Comité, oui. Moi, personnellement, je suis un ancien sous-officier de l'armée. Et j'ai dû défiler dans la capitale de Nouakchott pour la célébration du 28 novembre. Ce qui est sûr, c'est que moi, quand je me promène à Nouakchott, beaucoup me reconnaîtront. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais tout le temps en tête de peloton. Donc, pour le défilé du 28 novembre. Quelle année exactement? Entre 87 jusqu'à 90. D'accord. Donc, du coup, effectivement, on était tous contents à l'époque d'aller participer. Parce qu'en fait, les marins venaient de partout, les militaires venaient de partout, de toutes les régions, venaient à Nouakchott pour le défilé du 28 novembre. Mais, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé en 1990? C'est l'État même qui, pour célébrer l'indépendance, qui faisait venir des militaires pour défiler à Nouakchott pour la célébration de l'indépendance, en a exécuté 28 pour la célébration de l'indépendance. C'est symbolique. C'est symbolique. Alors, c'était sous la présidence, je le rappelle, de Mawia Moussa. Mais, M. Sarr, aujourd'hui, par exemple, que répondez-vous à ce qu'il pense, par exemple, qu'il faut pardonner, aller de l'avant, tirer un trait s'il le faut, et sur ces événements de 1989, il y en a qui pensent en Mauritanie, c'est pour ça que je le dis ici, qui est en fait un blocage pour l'unité nationale. C'est très simple. Moi, je pense que c'est simple pour essayer, enfin, parce que même aujourd'hui, l'ensemble des victimes ont envie de tourner la page pour reconstruire la Mauritanie sur ses bases, sur des bonnes bases. Mais pour cela, il y a des conditions. Et ces conditions, c'est que effectivement, oui, même si aujourd'hui l'État mauritanien ou les autorités mauritaniennes ont une certaine reconnaissance de ces crimes, mais il n'y a pas une volonté politique pour pouvoir qui accompagne cette reconnaissance. Je vous arrête un tout petit peu parce que je vous rappelle par exemple qu'il y a eu une prière qui a été faite par Mohamed Ben Abdelaziz, l'actuel président, et que certaines victimes ont été plus ou moins dédommagées. Je ne maîtrise pas trop le dossier. Nous avons reçu ici Sidi Ndiaye qui nous en avait parlé largement. Je renvoie à son livre La politique de repentir en Mauritanie. Mais je pense qu'à partir de cette prière, est-ce qu'il n'y a pas des actes politiques forts qui ont été posés? Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que ces actes politiques ne permettent pas de se tourner vers l'avenir? Des actes politiques, moi je ne comprends pas ce que vous appelez actes politiques, parce qu'en fait, effectivement, il y a eu... Le 25 mars plutôt 2009, Mohamed Ben Abdelaziz a effectué une prière à Kaidi. Que vous soyez d'accord ou que les gens soient d'accord ou pas, c'est une chose. Mais cette prière, elle a quand même eu lieu et beaucoup de gens y ont participé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous que Mohamed Ben Abdelaziz a effectué une prière à Kaidi. Moi, d'abord, la première question dont j'ai envie de poser à Mohamed Ben Abdelaziz, pourquoi cette prière est effectuée à Kaidi? Qu'est-ce qui s'est passé à Kaidi pour aller effectuer cette prière à Kaidi exactement? Moi, j'ai envie de lui poser cette question-là. Pourquoi aller jusqu'à Kaidi pour faire cette prière-là? Et il y a eu, certes, comme je l'ai dit, une reconnaissance des crimes qui ont été commis. Sur tout le territoire mauritanien. D'accord, mais le problème, ce n'est pas tout simplement de reconnaître. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Comme quoi, par exemple? Aller plus loin, déjà, c'est, dans un premier temps, c'est mettre en place un processus qui va permettre au bourreau de répondre à leurs actes. Je pense que votre comité œuvre un peu pour cela. Sylvie veut prendre la parole. Oui, justement. Dans l'histoire de la Mauritanie, sur cette question-là, spécifiquement sur Inal, on a deux présidents. C'est Sidou Cheikh Abdallah qui a reconnu au nom de l'État, ce qui n'a jamais été fait, au nom de l'État que des crimes abominables ont été commis et que l'État demande pardon et que l'État va s'atteler à trouver des solutions. Tout le monde a s'allié, que ce soit en Nouakchott, les associations ayant droit, et en Europe et partout. Et le processus a été engagé et il y a eu le retour des réfugiés dans toute la vallée. Et lorsque le coup d'État a eu lieu le 6 août 2008, donc celui qui a orchestré par Mohamed Abdelaziz, le président, donc voilà, tout a été remis en question. Donc parce que ce qui sous-entendait que Sidou Cheikh Abdallah, un civil, un intellectuel, qui était entouré de bonnes personnes, qui donnait des conseils qui concernent la résolution définitive et tourner la Mauritanie vers des avenirs meilleurs. Donc, ils ont compris que ça allait déboucher sur des jugements, sur la vérité. Des noms vont être déballés et sur la place publique, et tout le monde saura qui est tortionnaire, qui était le bourreau de qui. Le coup d'État a eu lieu pour des raisons de sécurité, disait Mohamed Ben Abdelaziz, parce que le pays, effectivement, en 2008, était envahi par des, par des attaques terroristes de gauche à droite et tout. Et lorsqu'ils sont venus, la première des choses qu'ils ont faites, c'est de stopper le processus de retour des réfugiés. Donc voilà. Du coup, ben on recommence, on rebelote à zéro. Et Aziz, le 25 mars 2009, il décrète que voilà, ça serait une journée de réconciliation nationale. Il voyage vers le sud de la Mauritanie, précisément à Kehidi. Il dirige une prière de l'absent. Et au cours de cette prière-là, il fait un discours historique. Il faut le reconnaître. Dans lequel, bon, il demande pardon. Mitigé. Discours mitigé. Il dit, voilà, il y a des choses qui ont été faites au nom de l'État. Il ne dit pas au nom de l'État. Il dit, voilà, ce n'est pas de notre culture mauritanien de commettre ces crimes. Genre de choses. Voilà. Ouais. Mais que l'État va s'atteler à régler le problème. Donc, il crée une commission qui va se charger de la résolution définitive de ce problème-là. Seulement que, ils n'ont pas eu des interlocuteurs qu'il fallait. Ils ont convoqué le COVIR, que vous connaissez très bien, qui a été enthousiaste au début, qui sont allés le voir en audience et qui ont vu Dia, le colonel Dia, le général Dia aujourd'hui, qui est parti pressenti à la retraite. Donc, ils ont monnayé, en quelque sorte, d'après tout ce qu'ils ont monnayé, et ce que Sidi Ndiaye dit même, le docteur Sidi Ndiaye, c'est qu'ils ont monnayé ils ont monnayé ce dossier-là. Donc, lui, on le voyait partout même, c'était un peu ridicule. On voyait Dia qui traînait avec sa mallette, et dans sa mallette-là, celui qui a eu plus d'argent, c'est le veuve ou je ne sais pas qui, ce n'est pas encore précis, parce que le document de résolution définitive n'a pas été publié. Ça a été fait à la soldat sexe de Sidou, de Mohamed Abdelaziz. Il veut tout faire en catimini et dire qu'il est l'homme de la situation. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La résolution n'a pas eu lieu. Il y a eu des trahisons au sein même de COVIR. Les gens étaient mécontents et il y a eu dislocation. Et Aziz a fait signer à ceux qui ont touché de l'argent que on ne jugera jamais les bourreaux. Donc, sur cette base-là, il y a eu résolution. Mais le problème qui se pose aujourd'hui à M. Sarr, c'est que comment ça se fait que des gens qui ont vécu tout cela, et les militaires se présentent chez eux et qui disent, voilà, écoutez, nous, on va régler ce dossier, voilà, le papier, il est là, vous signez, vous avez de l'argent, vous avez des terrains, et on oublie. Mais le problème, c'est des ayants droit, c'est pas l'État maintenant. Parce oui. Que l'État, il joue. C'est des taxiciens. Oui, je tiens à préciser une chose, parce qu'en fait, vous avez parlé de Sidi Ouchère, le processus qui a été engagé par Sidi Ouchère. À l'époque, moi, j'étais secrétaire général de l'AVOM, j'ai été aux journées de concertation. Ce qui m'a permis déjà d'assister à l'atelier du règlement du pacifisme humanitaire. Mais le problème qui se pose, le problème qui s'est posé, c'est parce qu'en fait, oui, Sidi Ouchère Abdallah, un intellectuel et un civil qui voulait réellement régler ce problème de façon juridique. Mais sauf que le problème, c'est qu'il était entouré de l'ensemble des bourreaux de ces événements. Donc, quand ils ont compris que oui, Sidi Ouchère Abdallah s'est engagé dans cette procédure, ben il fallait tout de suite le stopper. Donc, d'où le coup d'État de Mohamed Ould Abdelaziz. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le fameux document qui a été signé, ils l'ont fait signer à une veuve qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. À une veuve qui était présidente du collectif des veuves. C'est le général Dia qui est venu la prendre ses ailes et l'a amenée à la présidence pour signer ce document. D'ailleurs, ça a fait un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne devait pas, elle, signer un document sans l'avis du secrétaire général du bureau, Maimouna Al-Fassi, qui n'était pas au courant. Donc, du coup, ce document, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout celui qui touchera l'indemnisation, pardonne et on ne jugera plus les bourreaux. Sauf que il n'y a pas que les veuves. Il y a aujourd'hui en France, vous avez à peu près plus de 300 rescapés militaires en France. Policiers et gendarmes. Policiers et gendarmes inclus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ces gens? Absolument rien. Alors, est-ce que les veuves, est-ce qu'une seule veuve ou deux veuves peuvent pardonner ce qui s'est passé en Mauritanie? C'est l'ensemble du territoire mauritanien. C'est une manipulation. On voit que les militaires, en quelque sorte, ont entaché ce dossier-là et ils l'ont manipulé. Et vous, en tant qu'observateur, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Je vais poser la question autrement, excusez-moi de vous couper. Hamid Meïda, est-ce que vous pensez, par exemple, que le processus de réconciliation qui était, selon le dire de Abou Sarr ici présent, qui était quand même plus ou moins bien entamé, il a avorté avec l'arrivée au pouvoir d'un militaire qui s'est converti en civil par la suite? Je ne pense pas. D'abord, permettez-moi juste de retourner un peu à l'histoire. Je vous rappelle une date un peu extraordinaire qui m'a fait beaucoup jouir. Entre 1830 et 1836, il y avait une alliance de Tralza, de l'émir Mohamed Lahbib, et de Olof, de Farah Panda, et de la Linger Jumbo contre les Français et leurs protégés. Ça, c'est entre 1830 et 1836. Vers 1820, c'est-à-dire un peu avant, les Français imposent au Fiouta la construction du fort de Bakel. Et en 1819, l'Amérique réagit en appelant à la guerre contre eux, c'est-à-dire le français. Pourquoi je parle de ça? Ça, en fait, ça illustre c'est-à-dire que les liens entre toutes les composantes mauritaniennes, c'est des liens historiques. Personne ne peut les dissocier. Au cours des circonstances, quelle que soit leur gravité ou leur importance. Mais ça, c'est très, Monsieur, moi, je peux que expliquer ce que je vois. Très bien, très certainement. D'accord, voilà. Donc, pourquoi je donne cette... voilà, je vous rappelle cette dette qui illustre cette union entre les différentes composantes de la Mauritanie. Puisque, pour revenir, que, en fait, normalement, pour un citoyen mauritanien, maintenant, en 2014, Le souci de l'unité nationale et le fait de travailler et de manœuvrer pour l'unité nationale, ça doit être partagé entre tous les Mauritaniens. Normalement, ça doit être notre objectif, notre intérêt commun. C'est-à-dire, on a nos divergences, on a nos problèmes, mais tout ce qui entache, tout ce qui peut toucher notre unité nationale en tant que Mauritanien, qui appartenait à ce pays qui s'appelle la Mauritanie, ça, c'est une ligne rouge. En tant que ça, c'est un. Attends. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour ce qui... Je vous ai parlé tout à l'heure de... C'est-à-dire, au fil des années, oui. C'est-à-dire, il y avait des événements. Oui. C'est vrai que l'État, on a des acquis, mais il y a aussi des défis. Et c'est vrai que les défis par rapport à la réconciliation nationale ou par rapport à les gens qui étaient lésés ou par exemple les gens qui ont été exécutés dans les événements des 90 et tout ça. Ça, c'est des problèmes qu'il faut régler, qu'il faut voir les mécanismes de les régler avec les lois qui existent, avec la législation qui existe, convenablement. Et là, il n'y a pas de souci. Sauf que pour cette histoire de comment on appelle ça le règlement de le pacifiste humanitaire, voilà, ça a été effectivement déclenché. D'abord je crois pas que le coup d'État, je sais pas, le coup d'État, que c'était un rapport ou c'était le fait de on a arrêté le processus de de réconciliation qui a été entamée par Sidi Cheikh Abdallah, que Aziz il a arrêté. On n'a pas dit qu'il a arrêté, il a dit qu'il l'a fait voilà, autrement. Peut-être il l'a fait autrement. Mais je pense que, d'après mes informations, et je suis pas, je connais pas tous les détails, et mon frère peut-être il est mieux placé pour savoir qu'est-ce que ça a été fait. Je pense qu'il y a un processus qui a été fait, certainement, qui a permis de endommager certaines victimes. Dédommager certaines victimes. Et puis, mais ça ces genres de dossiers, c'est pas au claque du doigt qu'on le règle. C'est pas au jour ou au lendemain qu'on peut régler ça. D'autant plus qu'il va y avoir des gens aussi qui étaient lésés, qui n'étaient même pas en Mauritanie. Par exemple, je ne sais pas, il parle de policiers, de gendarmes et tout, voilà, de gens qui sont installés à l'étranger. Donc, mon avis, en tant que citoyen, que l'État doit continuer à appliquer les lois qui ont été mises en place pour dédommager ces personnes et pour régler ce problème, comme le problème de séquelles de l'esclavage, comme le problème de la marginalisation, disons, de l'ordre économique, dont victimes, pas uniquement les Nogro-Africains ou les Haratines, mais aussi le Maure, actuellement, vu la globalisation et vu le truc. Moi, Sylvain, vous avez la parole. Oui, voilà. Avant juste de vous passer la parole, ça, je vais vous revenir sur un point. Au début, on a dit que la Mauritanie doit avoir des symboles qui soient inclusifs, que tous les citoyens mauritaniens doivent s'y retrouver. Effectivement, personne ne conteste le drapeau mauritanien, personne ne conteste, même si on veut que ça soit revu sur quelques points, c'est la constitution mauritanienne. Le problème, c'est que tout est parti lorsque les revendications populaires ont commencé à émerger. L'État était naissant, c'est vrai, l'État ne supportait pas beaucoup de choses. Mais je vous rappelle quand même que lorsque les négros mauritaniens ont commencé à publier des manifestes dans lesquels ils dénonçaient ce qu'ils appelaient l'État Bédan, c'est-à-dire qui est représenté partout, c'est tous les sphères, c'est que déjà on fait les haratines actuellement, que voilà, tout est concentré entre les mains de Maure. C'est discutable, mais si on avait un État qui est fort de ses institutions et où tout citoyen a ses droits, peut-être certaines revendications ne vont pas avoir une certaine ampleur. Alors, 87, il y a eu effectivement une tentative avortée de coup d'État. Donc, les responsables ont été amenés dans des conditions très opaques et certains ont été, selon les instructions aussi des militaires, exécutés. Dans une cour qu'on savait déjà acquise pour les militaires et pour moi aussi dans ma part. Et on refait la même chose. Presque en 1989, aussi, on fait des rafles dans les rangs des militaires. Et on dit aujourd'hui à ces gens-là, non, ne parlez pas. Taisez-vous, laissez-nous faire les choses. C'est nous qui avions tué, c'est nous qui allons résoudre les choses. Ça ne se passe pas comme ça. Le problème, c'est que on ne peut pas dire à une victime, bon, viens, vous allez signer ces papiers-là, mais par contre, vous allez renoncer aux poursuites judiciaires. Non, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé déjà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et ça peut peut-être le confirmer ou l'infirmer, que les rescapés ne veulent pas coûte que la tête des bourreaux soit coupée à la place publique. Ce n'est pas intelligent. On ne peut pas demander, mais on peut juste que ce soit un garde-fou pour l'histoire. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose de symbolique à partir d'aujourd'hui, comme par exemple ce qui s'est passé au Rwanda. Aujourd'hui, au Rwanda, on sait que on a fait table rase sur le génocide. Maintenant, on passe à la construction de l'État. On n'en parle même pas. On fait des commémorations. Les gens, ils ont demandé à ce qu'on le fasse un mémorial à Inal. On a dit non. Et l'État a dit non. Et c'est pour penser que c'est juste. Donc, c'est des choses comme ça qui font qu'on construit un État. Mais si tout le monde met une certaine pudeur sur ce dossier, sur cette question-là, parce que ceux qui nous gouvernent sont tous impliqués, ça, c'est problématique. Même si eux, aujourd'hui, ils ont le pouvoir, mais Commençons par, déjà par les bases, c'est-à-dire qu'on veut construire une nation. Tout le monde dit oui, non, il ne faut pas désestabiliser d'autres nations, il ne faut pas parler d'esclavage, il ne faut pas parler de passivité humanitaire, il faut se concentrer sur l'économie. Parlons de l'économie. Depuis 1960, qui a profité de l'économie mauritanienne? Des richesses, des familles, pas tous les Maures, il ne faut pas se tromper. Il y a des Maures qui croupissent dans la pauvreté noire. Si vous habitez dans les quartiers périphériques, vous voyez que vos voisins qui trinquent, qui sont là, qui sont en train de tirer le diable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on construise un projet de société. C'est tout le monde. Oui, un projet de société, c'est-à-dire que l'économie mauritanienne, elle est mal les richesses mauritaniennes sont mal partagées. Et tout cela sont des choses qui font que ça s'accumule et les revendications populaires commencent à émerger et on ne peut pas tout le temps vivre dans l'injustice. À un moment donné, ça serait le chaos. Et ça va balayer tout le monde sur son chemin. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des pudeurs. Il faut qu'on se dise ce qui s'est passé. Et c'est la gestion du pays aussi qu'on se dise les choses, pas pour autant. Sinon, tout le monde, maintenant, si vous voyez sur les réseaux sociaux, sur les médias, tout le monde dit, ah, on va vers quelque chose. On ne sait pas, mais je mourrai. Monsieur Robera, il a pris la parole, il a pleuré. Il a dit, nous, on tient à la Mauritanie. On ne veut pas ce qui touche à la stabilité mauritanienne. Des gens, des intellectuels, ils ont parlé, c'est les télévisions et tout. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de volonté politique. Et ce qu'ils nous disent, c'est Aziz en premier. C'est lui qui a reconnu les droits des gens. Moi, je ne sais pas si je peux dire un petit mot. Oui, on va peut-être conclure. Oui, je vous laisse dire un mot. Voilà. Hamida ou Mohamed Salem. Parmi Haïmeddin ou Ahmed Salem. Haïmeddin ou Ahmed Salem, excusez-moi d'avoir dit. Parmi sur le plan économique. Il faut être honnête aussi que sur les plans économiques, ces dernières années, il y a eu des acquis. Et ça, c'est les gens des institutions financières internationales qui le disent. C'est des chiffres qui ont été avancés. Moi, j'ai des chiffres qui ont été faits par la Banque mondiale. C'est très à la mode en Mauritanie. Tout le monde cite des chiffres. Voilà, écoute. C'est pas tout le monde qui tout à fait, mais ça c'est pas. Commencé par le président. Ça c'est pas mes chiffres. Mais ce qui est sûr, c'est que le taux de la croissance, ça c'est au niveau de la Banque mondiale. C'est que quand même le taux de croissance ça a été beaucoup plus élevé en 2014. Aux environs de 5%. D'accord. Et bon, mais ça profite à qui mais le taux de chômage, si on fait confiance à les sources locales, maintenant ça a baissé. Mais qui est inscrit comme chômeur en Mauritanie? Bah, tout le monde. Tout le monde, non, on ne dit pas. Non, mais excuse-moi. Le problème qui se pose, c'est que. Certes, il y a eu un taux de croissance. L'économie, c'est d'ailleurs même, on le voit sur le prestation de services que l'État elle donne. Parce qu'à un moment donné, moi je peux vous parler de la santé. La santé en 1960 par rapport à la santé maintenant, il y a une grande révolution. Oh, c'est qu'on souhaite. On a intérêt, j'ai envie de dire. Oui. Voilà, une grande révolution. Oui. Moi, en 2006, il y avait un seul scanner dans toute la Mauritanie. Le seul TDM qui marchait, c'était à l'hôpital national. Actuellement, à Nouakchott seul, il y a 5 scanners. À l'hôpital militaire, à l'hôpital Amitié, à l'hôpital Dja, à l'hôpital national et à l'hôpital Cheikh Zayed. À qui veille un scanner? À l'IRM, avec le dernier mode de crédit, ça c'est au bénéfice quand même. C'est vrai, il peut y avoir quand même de règlements, il peut y avoir des gens qui profitent. Mais si, à un moment donné, les citoyens, si celui qui le gouverne, il fait quelque chose, même s'il il se profite lui-même ou sa famille, mais il fait quelque chose, c'est un progrès. C'est franchement un progrès. Le problème qui se pose, c'est que. Ce raisonnement m'a pas coupé, c'est ce raisonnement. Non, excuse-moi, j'ai fini. Ce qui est bizarre, c'est que par exemple, dans les années 90, il y avait toute une monarchie au profit effectivement d'une vous parlez d'Ultaya d'une famille, voilà, d'une famille bien donnée. Et puis, il n'y a rien du tout. Sur le plan infrastructure, sur le plan prestation de services pour les citoyens, il n'y avait rien du tout. Et puis, même ici en Europe, avec tout ce qu'on fait comme gestion, avec respect de la gestion, de loi et tout ça, il y a toujours des gens qui profitent. Je ne pense pas. Voilà. Comment dire, les citoyens lambda exclus du système quasiment social que Sili décrivait tout à l'heure, je ne pense pas que quelque chose ait changé entre Maouya Outaya et Mohamed Abdelaziz. Pour lui, il y a beaucoup de changements. Rien n'a changé. Oui. On va donner la parole à Boussa. Oui, moi je pense qu'il n'y a absolument rien qu'à changer de la situation des négros mauritaniens du temps de Taïa et au temps de Oul Abdelaziz. Je voulais juste revenir sur un truc avant de terminer, c'est-à-dire, vous avez parlé de l'unité nationale, la construction de l'unité nationale. Je pense que les victimes, moi je dirais, à mon avis, c'est les seuls aujourd'hui qui œuvrent pour la construction de l'unité nationale. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils demandent, c'est pour l'avenir de la Mauritanie. C'est pour que c'est la seule chose qu'ils demandent, ou les choses qu'ils demandent, les revendications qu'ils font, c'est uniquement pour que les choses commises ne se répètent plus jamais. Donc je pense que ça, c'est de vouloir construire la Mauritanie. Ça, je pense que les gens devraient prendre conscience de cette situation. Parce qu'en fait, le problème, comment aujourd'hui, quand on dit qu'on veut régler ce problème et qu'on rencontre... que les victimes croisent les gens qui les ont torturés dans des camps. Comment voulez-vous ? Et tout simplement, il est tout simplement demandé à ce que justice se fasse. C'est tout ce que les victimes demandent. Ok, maintenant, je pense que les Mauritaniens entendront cela. Et on va essayer de conclure l'émission. On va d'abord préciser avec Abou Sarr, ici présent. Pourquoi et à partir de quand vous est venue l'idée d'organiser les commémorations d'Inal? En fait, il faut quand même le reconnaître et le dire de haute voix. En fait, c'est Inal, ça a été initié par IRA en 2011, par Biram. Donc, c'est le premier qui a effectué ce voyage à Inal, qui en 2011 est venu ici en France lors d'une conférence de presse, a désigné une commission pour préparer le voyage à Inal. Donc, depuis 2011, on essaye, on fait en sorte que chaque année, on puisse commémorer le 28 novembre à Inal. Quel est l'objectif de cette commémoration? Pourquoi ne pas se joindre directement à tous les Mauritaniens qui fêtent l'indépendance de la Mauritanie et vous commémorer à Inal? À Inal, parce que tout simplement, c'est-à-dire que nous, on est parti d'un principe. Ce que vous savez, ce qui s'est passé, ce ne s'est pas passé seulement à Inal. Inal, c'est juste un exemple. Un symbole, oui. Pourquoi? Voilà, c'est juste un symbole. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé à Inal, ça s'est passé à Jerida, ça s'est passé à Azlat, ça s'est passé à Wachi, à Sorimalé. Mais sauf que, à partir du moment où l'État a pendu 28 négros mauritaniens à Inal pour célébrer l'indépendance, le 30e anniversaire de l'indépendance. Et c'est pourquoi nous sommes partis de ce principe pour aller commémorer, le 28 novembre à Inal. Parce que tout simplement, je vais profiter de l'occasion, parce qu'en fait, je voulais aussi préciser ça, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui un souci qui fait que certains vont commémorer le 28 novembre à Walata, ou d'autres à Wachi, d'autres à... mais nous, le choix de Inal, c'est parce qu'en fait, ceux qui sont exécutés à Inal, ils ne sont pas d'Inal. Et ils représentent l'ensemble de la communauté. Parce que quand on fait la liste de ceux qui sont exécutés, ça touche toute la vallée. Donc c'est la raison pour laquelle le comité a choisi de commémorer le 28 à Inal. Quel bilan faites-vous après 4 ans de commémoration? Quel bilan faites-vous de cette initiative? Le bilan qu'on fait, en fait, le problème, c'est que c'est d'ailleurs, il y a un souci. Le souci, c'est qu'on, comme je viens de le dire, le souci, c'est qu'aujourd'hui, la communauté, elle n'a pas encore compris l'importance de la commémoration de comme de vous, communauté, vous pensez à je pense à la communauté mauritanienne. Okay. Mmh. Je pense à la communauté mauritanienne parce qu'en fait, il faudrait, nous, ce qu'on veut, c'est que les Mauritaniens puissent comprendre l'importance de la commémoration de Inal. Parce qu'il faudrait que les gens prennent conscience de cette situation pour comprendre ce qui s'est passé à Inal. Et je tiens aussi à signaler que ce n'est pas que les 28 qui ont été exécutés cette nuit. Le 28, en fait, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils ont compté 28 pour la pendaison. Mais ça a continué. Donc, c'est pourquoi nous, dans le comité, nous avons choisi de faire la commémoration à Inal. Certes, c'est vrai qu'il y a certains qui nous disent « Non, mon mari, il est tué à Jreïda ou d'autres. » Mais c'est-à-dire que nous sommes partis sur ce principe-là, tout simplement parce qu'en fait, ça représente l'ensemble... l'ensemble de la communauté. Vous venez de dire que Biram Abdelhamid a joué un rôle important dans l'organisation de cette commémoration et nous venons de le dire aussi dans l'actu, dans Rimactu, que Biram Abdelhamid a été arrêté à Rosso. Oui. Pour une marche contre l'esclavage foncier et la spoliation des terres agricoles dans la vallée. Que pensez-vous de ce qui lui arrive aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez-vous au comité d'Inal et vous-même à Roussa? Mais c'est que c'est de l'injustice, pure et dure. Parce que pourquoi il a été arrêté? Pourquoi? Parce qu'il a effectué une caravane soutien à une caravane. Soutien à une caravane organisée par Kautal. Par Kautal. Il était allé à Iran. Et Iran. Et donc, c'est-à-dire, cette caravane, c'est quoi? Cette caravane, c'est de faire la vallée pour sensibiliser la population du Sud sur ce qui se passe sur les terres. Ce qui devrait à la base être le rôle de l'État. Le rôle de l'État. Sensibiliser. C'est le rôle de l'État. Enfin, Biram, enfin, la caravane a pris le rôle de l'État pour aller dans le Sud du pays pour expliquer à la population ce que l'État est en train de faire sur les terres. Alors, pourquoi aujourd'hui il est arrêté? C'est parce que tout simplement, il dénonce la situation. Il dénonce la situation que fait l'État sur la population du Sud. Ok, on aura compris votre avis. On aura aussi compris les apports de Hamidi Oulhameda. Mohamed Salem plutôt. Mohamed Salem, jusqu'à la fin, j'ai corrigé votre nom, excusez-moi. Avant de passer à l'actu des réseaux sociaux, nous allons nous entretenir avec Roi Hems qui va sortir son album le 6 décembre ici à Paris. On y va. Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, Kane Amadou pour l'actu des réseaux sociaux. Mais je me tourne vers nos invités tout d'abord. Hamida Oul Mohamed Salem, est-ce que vous avez un compte Facebook ou un compte sur les réseaux sociaux de manière générale? Comment est-ce que vous l'utilisez? Oui, mais j'avoue quand même que je ne suis pas trop présent. Mais quand même, j'ai fait un compte Facebook. Ouais. Et monsieur Aboussar, est-ce que vous en avez un compte? Oui, j'ai un compte Facebook et je suis présent. Et ok, c'est parfait parce que la personne que nous allons accueillir tout de suite sur votre plateau, Amadou Kane, est jour et nuit, si je peux dire, sur les réseaux sociaux et de temps en temps dans notre studio pour nous parler de ce qui s'y passe. Ça clique, ça like, ça tweet, c'est l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Kane. Vous allez d'abord nous parler de l'affaire... cette fois-ci, qui était d'abord l'affaire Sagnol. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous accueillir chez vous pour votre rubrique faite par vous et pour vous. Je vais vous parler, comme l'a dit Seydou, l'affaire Absatoussi, qui plutôt comment elle s'est fait déchirer par les internautes en voulant simplement donner son avis sur l'affaire Sagnol, qui avait affirmé d'une manière très caricaturale que les footballeurs africains étaient costauds mais moins intelligents que les leur collègue suédois, excusez-moi, mais à suivre sur la table, on ne dirait pas que c'est le cas. Mais revenons à Absolutely, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans l'affaire Sagnol? Absolutely, puisqu'il s'agit d'elle, elle avait donné son avis sur cette rubrique en disant qu'elle ne pensait pas vraiment que Sagnol était au fond raciste, mais juste maladroit. Mais cet avis était de trop, selon les internautes, comment une noire de mère mauritanienne ose défendre l'affreux Sagnol qui critique ses frères noirs. Et ce fut une succession d'insultes dont je vous cite quelques extraits. Alors, éloigner les mineurs, ça est chaud. Absolutely mérite une pendaison. Si j'étais son père, je lui ferais subir l'inceste. Négresse de maison, chienne de négresse, et j'en passe et j'en passe. J'avoue que c'est des propos quand même qui sont choquants. Et au nom de regard d'ailleurs, je vous présente mes excuses dès à présent. Mais l'intéressé Absolutely, est-ce qu'elle a réagi, monsieur Kahn? Elle a réagi dans un premier temps en s'excusant d'avoir pu heurter la sensibilité des gens, mais rien n'y fait, les défenseurs de la morale noire n'ont pas digéré le fait qu'elle, femme noire, ayant des décolletés très osés à la télévision, ne puisse pas aller dans le sens de la pensée unique de ses frères. Ensuite, elle a mis les points sur les i en disant cette fois-ci, si, je cite, à ceux qui m'ont adressé des propos outrageux et insultants, je ne leur adresse aucune excuse, boycottez mes produits si je suis une honte, une collabo, une négresse de maison, éteignez vos télés quand j'apparais et désabonnez-vous de mon compte Facebook et Twitter. En conclusion, on demande à cette fille d'être belle, noire et fermer sa bouche. Je ne sais pas qui le dit, mais on a aussi parlé de l'esclavage en Mauritanie sur les réseaux sociaux. Oui, je vais vous raconter ça sous forme d'une histoire. Il était une fois dans un pays très lointain appelé la Mauritanie. Vivaient 4 millions d'individus, dont 4 millions de présidents, 4 millions d'esclaves et 4 millions de militants des droits de l'homme. Et parmi eux, un descendant d'esclaves du nom de Biram décida de se libérer de ses maîtres et de lutter contre l'abject phénomène de l'esclavage. Ce dernier créa donc ce mouvement qu'il baptisa IRA. Depuis, il ira très très très loin dans son combat. Et il est devenu la bête noire des autorités de Nouakchott, car Biram agace. Biram trouble la tranquillité des maîtres. Et il sait faire parler de lui à tout prix, comme par exemple en septembre dernier à Kaidi, quand il décida de s'attaquer, je cite, contre les féodalistes Poulard et Soninké qui jouent aux esclavagistes dans leur communauté alors qu'ils rampent selon lui devant les morts tels des esclaves. Mais mis à part quelques agitateurs sur Facebook, cette affaire n'a pas fait grand bruit. C'est alors que Biram décida de frapper encore plus fort les esprits. Et c'est là qu'il ira dans sa boîte à idées pour en sortir une qui à coup sûr fera des étincelles. Il décida donc d'organiser une marche de bogey vers Rousseau pour lutter contre l'esclavage et le féodalisme foncier en Mauritanie. Et ça a particulièrement agacé le maître des palais gris qui lui a envoyé ses esclaves en tenue, appelés plus communément chez nous les gendarmes. Et la marche pacifique se transforma en champ de bataille comme dans un western spaghetti. Au final, Biram et ses partenaires furent arrêtés, et comme dirait certaines, ou dira certaines, sans jeu de mots, ira bien qui ira le dernier en prison. Et les réactions sur Facebook? Je suis allé voir la réaction des gens dans Facebook et comme d'habitude, les radicaux des deux côtés se sont distingués. D'un côté, la Mauritanie est présentée comme un pays raciste, esclavagiste, et de l'autre, Biram est un extrémiste qui veut provoquer la guerre civile en Mauritanie. Mais loin de cette passion, la chaîne de télévision Elwatania TV a organisé un débat sur la question avec des invités qui ont vraiment débattu en toute tranquillité à la question si l'esclavage foncier existe en Mauritanie. Les trois invités ont tout répondu que oui, même s'il est appliqué à des degrés divers selon les communautés, mais aussi ils s'accordent tous sur le fait que l'État fait une grave erreur en arrêtant Biram, car il a le mérite de poser cette question, même s'ils ne sont pas d'accord sur ses méthodes. Merci Amadou Kahn, c'était l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Kahn. Merci. À bientôt. Je me retourne vers nos invités pour avoir votre dernier mot. Tout d'abord, Monsieur Aboussar, votre dernier mot. Ouais, c'est de vous remercier et lancer un appel à toute la communauté mauritanienne que nous organisons cette année la commémoration de INAL ici à Paris. Ici à Paris, c'est nouveau alors. Oui, le 20 décembre, parce que tout simplement, c'est-à-dire que cette année, le Covid n'est pas prêt pour se déplacer. Pour des raisons qu'on ignore pour le moment. Donc, Voilà, je lance un appel à toute la communauté mauritanienne. L'appel, j'espère qu'elle sera entendue, à venir commémorer avec vous. Ce sera le 28 novembre. Le 20 décembre à Paris. Mmh. Oh, je me tourne vers Hamida Mohamed Salem, votre dernier mot. Donc, je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Et je rappelle juste ce que je disais au début, qu'il y a des acquis, mais il y a des défis. Et en tant que Mauritanien, il faut qu'on œuvre tous pour cette unité nationale, qu'on œuvre pour ce pays, qu'on n'a pas le choix, on veut ou non, c'est notre pays. Et on n'a pas le choix de les quitter. Donc, j'appelle tous les Mauritaniens de mettre la main dans la main de l'autre et de surmonter avec uniquement la volonté qu'on a, avec la croyance à l'intérêt commun qui nous réunit, on va surmonter certainement tous ces défis. Monsieur est très optimiste. J'espère que les Mauritaniens aussi le seront. Monsieur Bassoulé, merci. Merci pour vos chroniques et pour vos analyses. Je remercie Khan qui était là tout à l'heure, Abdoulaye Sy et Christophe Albert pour la technique. Je ne pourrais finir sans souhaiter bonne fête d'indépendance à tous les Mauritaniens. J'allais oublier cette camarade, je la remercie aussi. Et vous aussi, auditeurs de Regard d'ailleurs, je vous remercie. Vous qui nous écoutez en France, en Mauritanie et partout dans le monde, vous pouvez réécouter, podcaster, réagir à votre émission Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Quant à moi, je vous dis à très vite. Vous écoutez rmiinfo.com. Regard d'ailleurs.